Tu peux me donner ton cœur à moi, mais pas un autre. Je veux que tu me donnes ta main contre un caloca. Et quand tu me cherches des blèmes, je ferme ma boca. Mon cœur a pris du ferme, bébé, t'es mon avocat. T'es la seule sur ma route, je peux que succomber. Je compte plus toutes les fois où devant toi je suis tombé. Ah bébé, mi amor, je t'attendais. Je sais qu'il y a que toi qui pourra me combler. Et au final, on se fait mal. Alors qu'en vrai, on est bien ensemble. Et au final, on se fait mal. Alors qu'en vrai, on est bien ensemble. On se connaît bien maintenant. Je connais son tempérament. Elle a claqué la porte en partant. J'ai besoin d'être seul de temps en temps. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Tu me manques à mort. Donne-moi ton corazon, je vais le manier. Mais d'abord faut qu'on se mette d'accord. J'ai pas montré mes sentiments, j'te fais pas assez de compliments. J'étais plus gentil sur Instagram. J'suis comme les autres apparemment. T'sais combien je suis parano. T'es la seule à qui j'présente ma main. Et au final, on se fait mal. Alors qu'en vrai, on est bien ensemble. Et au final, on se fait mal, alors qu'en vrai on est bien ensemble. On se connaît bien.